one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Fuck off, moi je veux être! Tu veux être libre comme l'air? Hey! Libre comme l'air! Tu veux être libre comme l'air? Hey! De l'Ariane à Saint-Lévesque, à Tour-Saint-Eux, à Tour-Saint-Eux, à Saint-Lévesque, Tour-Saint-Eux, à Tour-Saint-Eux, à Saint-Lévesque, Tour-Saint-Fucking-Eux! Et vive le rock libre! Bienvenue tout le monde à cette 450e émission de Skypunka en ce vendredi 21 septembre 2012. C'était La Gâchette avec une de leurs plus nouvelles pièces, la chanson amérindienne. extrait de leur album À travers le temps, qui est vraiment un très bon album, qui contient 11 nouvelles pièces de la gâchette, ainsi que quelques chansons enregistrées live mais acoustiques, ou si vous aimez mieux, à saveur folk, ainsi que deux nouvelles versions de deux anciennes pièces, c'est-à-dire une nouvelle version de la pièce La Gâchette, mais là, cette fois-ci, en version très hard rock, un petit peu comme à la AC/DC, ce qui fait assez spécial, ainsi que la pièce Les Portes de Bordeaux avec de l'harmonica. Donc, vraiment très bon. Bon, en fait, au total, il y a 19 pièces sur ce nouvel album de La Gâchette. La Gâchette qui était en spectacle, d'ailleurs, la semaine passée, en compagnie de Older Grudge, The Horny Beaches, Eastern Radical, Before It's Too Late. Tout ça, c'était au Rock Café Le Stage la semaine passée. Et, à la fin de l'émission, vous allez les avoir en entrevue, puisque j'ai fait un montage avec ce qu'on a fait comme entrevue avec les groupes à l'extérieur du stage avant que le spectacle commence. Et il y avait également aussi Jim de Insight qui est venu parler justement du retour de Insight. Ceux qui ne connaissent pas Insight, c'est un bon vieux groupe hardcore de la fin des années 90 qui se produisait sur la scène de Trois-Rivières. Bon, mais là, on s'en va en musique avec The Horny Beaches et la pièce Chicks with Dicks. The Horny Beaches qui donne dans le porno-punk un peu comme The Nobodies. Donc, finalement, ce serait la version féminine des Nobodies. Ensuite, nous aurons Bruce Willis avec la pièce Big Fat Tit Veronica, extrait de leur album qui s'appelle Nerd by Zarkon. Et puis finalement, nous aurons The Queers avec Another Girl, extrait de l'album Don't Back Down. Donc sur ce, on y va sans plus tarder avec The Horny Beaches et la pièce Chicks with Dicks. Sausage, sausages, ladies with jewels, all run for love. Yeah, The Queers avec Another Girl. On poursuit immédiatement en musique avec The Hellbound Hepcat et la pièce Play With Fire, extrait de leur tout nouvel album qui s'appelle Number 2, qui vient juste de sortir sur Stomp Record. The Reverend Peyton Big Damn Band avec la pièce Big Blue Chevy 72, extrait également de son plus récent album. Et puis après ça, nous aurons The Brains avec Gato Lavera, qui était en spectacle avant-hier au Foufoune électrique en compagnie de Street Dogs. Et d'ailleurs, dans environ 10 minutes, j'aurai une entrevue avec le chanteur de Street Dogs, Mike McColgan. Donc, allons-y sans plus tarder avec The Hellbound Hepcat. Et si jamais ça coupe et que ça tombe en entrevue, eh bien, c'est que Mike McColgan vient d'appeler, puis on va y aller en entrevue avec Street Dogs. Mais d'ici là, on y va avec ce que je viens de vous dire. Go! Something that I'm trying to learn, 'cause I like to play with something when it's hot. Ramifications or not, I'm a cheater, I'm a stealer, I'm a liar. I like to play with fire. Sometimes I can feel down in a sorry state. Nothing but pain in my wake. Either death resolves all my sins, or who knows just what I'm in for. I'm a cheater, I'm a stealer, I'm a liar. I like to play with fire. To be here all alone with no one here to hold. I'd sold was never part of the plan. Sometimes I can feel down in a sorry state. I've left nothing but pain in my wake. Either death resolves all my sins, or who knows just what I'm in. I'm a cheater, I'm a stealer, I'm a liar. I like to play with fire. Play with fire. Play with fire. Play with fire. Play with fire. I'm a cheater, I'm a stealer, I'm a liar. Stay up all night, got my friends on my music, and we're feeling alright. Gonna stay up all night. OK. C'était Street Dogs avec la pièce Punk Rock and Roll. Bon, en tout cas, ça a l'air qu'on dirait qu'on a un certain problème à avoir de la communication avec, justement, le chanteur de Street Dogs, Mike McCogan. Donc, en attendant qu'il téléphone, on va continuer la musique avec Dropkick Murphys de la pièce Barroom Hero. Ensuite, de Mahone avec Amsterdam Song. Et de Dreadnoughts avec Turbo Iceland. Et après ça, eh ben, on verra bien ce qui va se passer. Alors, go! Face down in the gutter, won't admit defeat, though his clothes are soiled and black. He's a big, strong man with a child's mind. Don't you take his clothes away! Hey! Inside he cries back, swollen eyes. This man is shed no tears. Now his wife and kids in a different zone. They worry about the dead who die. Hey, hey, hey! This arrogant fool picks a brick or a bee. Nothing but pride and guilt. Hey, listen, now he won't get so sick. Gonna be dead before the daylight shines. But the thoughts and prayers of an alien strike keep this man from dying. Hey, listen, now he won't get so sick. Gonna be dead before the daylight shines. But the thoughts and prayers of an alien strike keep this man from dying. Some mention in the bar with every scar, bunch of those in bigger men. Hey, hey, hey! He fights and loses, got all the bruises. Well, some of these have been. The Irish fool's got a big, big heart. He keeps climbing back into the ring. Hey, hey, hey! The lowdown circles where he holds his court. This man who once was king. But he listened, no, he won't get so cheap. Gonna be dead before the daylight shines. Cause the thoughts and prayers of an alien star might keep this fool from dying. But he listened, no, he won't get so cheap. Gonna be dead before the daylight shines. Cause the thoughts and prayers of an alien star might keep this fool from dying. This one goes out to the Boston Punch and Skins. A rowdy bunch they are. Goes out to everyone at 656 Adams Street. How you doing, fellas? This one goes out to Connie Gibbons, Arthur McGilvey, and Jimmy Holden, Barroom Heroes, who are no longer with us. And last but not least, this one goes out to Billy Daly, Walter Glavin, and Priscilla, and the other guys who don't have to wind up on the barroom floor ever again. There's a nation in the bar with every scar, but a thousand bigger men. And losers got all the bruises. Will someone please step in? The Irish fool's got a big, big daddy. Keeps driving back into the ring. Hey, hey, hey! The lowdown circles where he holds his court. This man is once was king. Hey, listen, no, he won't get south shape. Run a big step before the daylight shine. Let the thoughts and friends of a million stars might keep this fool from dying. Hey, listen, no, he won't get south shape. Run a big step before the daylight shine. Got the thoughts and friends of a million stars. Take no prisoners! Nobody leaves! place of brown rain. F sounds a dough, for leading me astray. So hide your cheeks and roll, watch the USA. Watch the forward, Jesus back, Jimmy's on the cargo. Laps it down and boys it back, Jimmy's on the cargo. Watch the forward, Jesus back, Jimmy's on the cargo. Laps it down and boys it back, Jimmy's on the cargo. In the year of 1986, I courted a maid from the wild, wild west. She took me to a place where cider's always ace. Return to Turbo Island. Whoa, we'll raise our mainsail. Whoa, and we'll battle the gale. Whoa, we're all going to hell as we return to Turbo Island. Our ship should be a rocking on the sea. Our boats in the air praying to the Lord. My Bobby makes a plea, oh won't you marry me, as we return to Turbo Island. Whoa, we'll raise our mainsail. Whoa, and we'll battle the gale. Whoa, said we're all gonna hell as we return to Turbo Island. You'll fight Turbo Island on any sort of a map. They said if he's left that place, there's no way to go back. We searched for Stovecroft Point and off the Ober Pit. And now that we've found a place, we'll drink like lunatics. Whoa, separate ways of the cell. Whoa, and we'll battle again. Whoa, said we're all going to hell as we return to Turbo. Some may say, whoa, and we'll battle the gale. Whoa, said we're all going to hell as we return to Turbo Island. Yeah. Bon, alors, c'était Street Dogs avec la chanson Fighter. Juste avant ça, on avait eu également une autre pièce de Street Dogs, la pièce Oh Father. Si on recule de trois pièces, on avait Dropkick Murphys avec Borrow Me Row, The Mahomes avec The Amsterdam Song, pièce que vous pouvez retrouver sur l'album Techno Prisoner. Et ensuite, on a vu The Dreadnoughts avec Turbo Iceland. The Dreadnoughts qui donne dans le folk punk à saveur polka. Et ça vient de l'Ouest canadien. Bon, maintenant, puisque ça a vraiment l'air que Mike McCogan de Street Dogs ne téléphonera pas, eh bien, on va continuer en musique. C'est dommage parce que c'est pas son genre à manquer des entrevues. Donc, sûrement que. Je sais pas, il doit avoir des petites complications dans la ville où il est. Je sais que Street Dogs est en spectacle mercredi à Montréal. Ah, des fois, ils ont peut-être trop brossé. On sait pas. Bon, alors, on va y aller avec un bloc de publicité, chose que je fais rarement, mais là, le bloc est placé. Donc, on va y aller avec la pub. Après le bloc de pub, nous aurons tout d'abord la formation Hardskin qui seront en spectacle au début du mois d'octobre à Montréal, plus exactement le 6 octobre, au Catacombes. Ensuite, nous aurons Faute de frappe avec Rock'n'Oil. Faute de frappe, ça vient de Suisse. Et cet extrait de la pièce qui va jouer, là, cet extrait de l'album Le Retour aux vraies valeurs. Ensuite, nous aurons Les Cadavres, bon vieux groupe punk français, avec leur version de la pièce L'Entier sur la colline. Et puis, par la suite, on va aller faire un tour en Italie avec Los Fastidios, une pièce contre la brutalité policière, la chanson Rabbia dentro il cuore. Si vous aimez mieux en français, la rage au cœur. Et puis après ça, on va aller faire un tour en Allemagne avec le groupe Stomper 98 et la pièce du Bier Viviste. Du Bier Vivir. Ouais, c'est mieux comme ça. Donc, on y va avec la pub. Et après ça, avec toutes les bonnes choses que je viens de vous annoncer. Tout ça uniquement Sky Panka sur les ondes de C'est Fou. Yeah, la radio Campus de Trois-Rivières. Get off! rue. Quelqu'un voulait être une bombe suspendue, un peu nue. Et Jachin, tu vois qu'elle passe, rien ne me manque de dents. Mais ça n'est pas si tôt, en me montrant ses jolies dents. Elle m'a dit, hey, elle m'a dit d'aller siffler là-haut, sur la colline. De l'attendre avec un petit bouquet d'églantine. J'ai dit les fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. Et attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Lai lai lai lai. Lai lai lai lai. Lai lai lai lai. Lai lai lai lai. Perdé. schon am Boden liegen, dann will der letzte Kiemann brechen. Du bist wie wir, stolz und unbequem. Du bist wie wir, nach vorne wird es gehen. Bricht heran und wir sind mit dabei. Gegen die Intoleranz schlagen wir uns frei. Gemeinsam geht es in die Zukunft, wird sie besser sein. Punks und Skins United, ihr kriegt uns niemals klein. Gepackt und ans Kreuz geschlagen vor der ganzen Welt. Gehen wir unseren neigten Weg, der nur uns gefällt. Sie sagen, wir sind Assis und abgrundtief schlecht. Wir heben unsere Gläser und geben ihnen recht. An dieser Stelle ist es mir eine große Ehre, Ihnen den nächsten Titel zu präsentieren. Und damit einen charmanten guten Tag allerseits. Mein Name ist Harry Colorado. Sie erinnern sich noch an die Zeit, da Frauen noch kurze Röcke trugen und Männer lange Haare, da Shame 69 noch von United sang. Da gab es dies. Gilla, ich brenne. Und heute brennen Sie auf die Version von Stumper 98. Und ich sage nur eins, Jungs, fahrt ab! Ich wusste immer, was ich tu, mir kam kein allzu nah. Das alles jetzt wie weggefegt, weiß Himmel, was geschah. Ich brenne, brenne, und du bist schuld daran. Ich brenne, brenne, wie man nur brennen kann. Du kamst dann wie die Feuerwehr und ich dachte, Junge, lauf. Es war zu spät, mir half nichts mehr und ich ging in Flammen auf. Ich brenne, brenne, und du bist schuld daran. Ich brenne, brenne, wie man nur brennen kann. Es ist eine wilde, heiße Glut, die mich jedes Mal erfasst. Und zu alledem find ich noch gut, was du angerichtet hast. Ich brenne, brenne, und du bist schuld daran. Ich brenne, brenne, wie man nur brennen kann. Rettungslos bin ich verloren, ich bin rettungslos verloren, ich bin nicht mehr ich. Sag, was machst du nur mit mir? Rettungslos bin ich verloren, dabei hab ich mir geschworen, dass ich dieses Spiel mit dir auf keinen Fall verliere. Ich brenne, brenne, brenne, brenne. La formation allemande Stomper 98 avec la pièce Ich Brennen. Juste avant ça, on avait eu du bis vivir, oui. Et cet extrait de l'album Stomping Harmonist, sorti dans les débuts des années 2000. Si on recule de quatre autres pièces, on avait eu tout d'abord Hard Skin, qui est un groupe sharp, c'est-à-dire un skin antiraciste, avec la pièce Skin Hard, Hard Skin, qui seront en spécial. Qui seront en spectacle avec The Prowlers au Catacombes le 6 octobre à Montréal. Cette pièce-là, en fait, elle est inédite parce qu'on peut seulement, en tout cas à ma connaissance, on peut seulement la retrouver sur une compilation de Insurgence Records qui s'appelle Class Pride World Ride 3. C'est une très bonne compilation de oi antifasciste, de hardcore ainsi que de punk. Très bonne compile qui est sortie là, environ 3-4 ans plus tôt. Et puis sinon, qu'est-ce qu'on avait eu d'autre? On avait eu après ça Faute de frappe avec Rock'n'Oi, Les Cadavres avec L'Entier sur la colline, ainsi que Los Fastidios et Rabia Dentro Will Cuore. Maintenant, on s'en va en ska avec la formation Rude Tuna qui nous vient de Seattle et la pièce Big Bitch. Et ça, cet extrait cet extrait de leur album éponyme sorti il y a 2 ans. Hein? C'est en 2010 que ça a sorti. Ensuite, nous aurons Big D and the Kid Table avec la chanson Riot Girl, pièce que vous pouvez retrouver sur leur plus récent album studio qui s'appelle For the Damn, the Dub and the Delirious. Sorti l'année passée sur Side One Dummy, Big Din de Kid Table aussi qui vont sortir très prochainement un album qui contient du matériel très rare qu'ils ont appelé The D-Side and Dub quelque chose là. Mais bref, c'est un double album avec plusieurs chansons inédites et ça va s'en venir au cours du mois d'octobre ça. Et puis sinon, eh bien, pour le prochain bloc, nous aurons Judge Dredd. En fait, nous allons terminer le prochain bloc avec Judge Dredd et la pièce Up With The Cock. Donc, on y va sans plus tarder avec Rude Tuna et la pièce Big Bitch. We'll be right back. there's no hope for men. A clear-headed crisis is all I need. A remedy inside my head, but it's too late for death. Why don't you say it's too late for death? Now my first is all coming from a not far away, but I said this girl about it instead. Well, I learned my lesson, will I ever learn to grow? It doesn't make my sense to me to lose the friends I know. Against your teeth. Oh, Mary, what is it that you like about me? Telling all the other girls to back off or they'll get me. Yeah, go ahead, Eric, pour us another drink. We're kicking out on our shit jobs weekday. Yeah, Mary, oh, Mary's born to be a radical, you'll see. A New England royal girl in me. Never needs no help. I like how she's always got a snappy line. Mary never takes too much, just enough to keep her feeling fine. One minute we hit the motorway, next minute we're laughing fools. One suitcase filled with dreams for radicals, yeah, one hot damn pursuit. That Boston breeds the riffraff, this corner of the city, friendship's free. But these times keep getting hotter, time for Mary to pull up her sleeves. Yeah, me are born to be radicals, you'll see. This New England riot girl and me. Running away, the copper seat come on, no way. Running away, the copper seat come on. Listen to me, I'll tell you a yarn. Always asleep by 10 o'clock. S6 on the dot, it's up with the cock. Up with the cock, up with the cock. S6 o'clock, it's up with the cock. To milk a herd of jerseys, S7's her first dip. She warms her hands to please the cows when she gives up, pull on the tit. Pull on the tit, pull on the tit. Up with the cock, up with the cock. At 6 o'clock, it's up with the cock. A week, a smelly job is when she cleans the yard, scraping up the cow dung. Yes, life on the farm's so hard. It's so hard, it's so hard. pull on the tit, pull on the tit. Up with the cock, up with the cock. At 6 o'clock, it's up with the cock. She was in the field one sunny day, ploughing all alone. She caught her foot in the driving chain. It made her scream and moan. Scream and moan, scream and moan. It's so hard, it's so hard. Pull on the tit, pull on the tit. Up with the cock, up with the cock. At 6 o'clock, it's up with the cock. Gah! When it is time to harvest corn, sunshine is just a trick. But when the weather's nasty, it has to come in quick. Come in quick, come in quick. Scream and moan, scream and moan. It's so hard, it's so hard. Pull on the tit, pull on the tit. Up with the cock, up with the cock. At 6 o'clock, it's up with the cock. Go! Ouais, vous êtes assez fou et vous écoutez Sky Punka, la seule et unique émission qui fait jouer du ska, du punk, du rock, du psychobilly, du rockabilly, du bon vieux reggae, puis je pense, ouais, puis du folk punk aussi. Ouais, j'ai tout dit. Bon, et aujourd'hui, on en est à la 450e émission, ouais. Et là, on vient tout juste de passer un bloc de ska qui était composé de Rude Tuna de Seattle avec la chanson Big Bitch que vous pouvez retrouver sur leur album éponyme sorti en 2010. Après ça, on avait eu Big Dean de Kid Table avec la pièce Riot Girl, pièce extraite de leur plus récent album For the Damned, The Dub and the Delirious, c'est bien ça, sorti l'année passée sur Side One Demi. Et après, on avait eu Judge Dredd avec Up With The Cock. Judge Dredd qui donnait vraiment dans la vulgarité à l'époque, même qu'il y avait certaines stations en Angleterre qui ne pouvaient pas le faire jouer parce qu'il était censuré vu qu'il chantait supposément des choses un petit peu trop vulgaires. Sauf qu'en Jamaïque, les Jamaïcains l'aimaient super gros et le faisaient jouer en ondes. Et pour lui, il n'y avait aucune censure en Jamaïque. Pour les Jamaïcains, il l'aimait bien. Il disait enfin, quelqu'un qui est peut-être blanc et qui fait du reggae, mais qui au moins fait du bon reggae. Ouais. Alors, c'était ça, la petite historique de Judge Dredd. Maintenant, on va aller en punk avec Anti-Flag et la pièce Broken Bone, extrait de leur plus récent album qui s'appelle General Strike, sorti sur Side One Demi l'année passée. Ensuite, c'est début 2012, ouais, c'est ça, bon. Et puis après ça, nous aurons Sham 69 avec une de leurs bonnes vieilles compositions des années 70, If the Kids Are United, oui, et c'est extrait de l'anthologie de Sham 69 qui s'appelle Angel with Dirty Face. C'est, à mon avis, comme je le dis souvent, le meilleur mix que vous pouvez vous procurer de Sham 69 parce qu'il contient quand même 40 pièces. Là, donc, ça fait vraiment le tour de ce que Sham 69 a fait. Sinon, si vous avez la chance de, par hasard, tomber sur des vieux vinyles de Sham 69, vous êtes très chanceux, là, ce qui est très rare. Puis c'est sûr qu'il devrait sûrement avoir des rééditions de vinyles qui vont sortir parce qu'il y a de plus en plus de rééditions vinyles. Mais bon, toujours est-il que c'est ça. Et puis finalement, nous aurons le groupe allemand Loïc Camille avec Goodnight White Pride. Extrait de la compilation qui s'appelle Classwide Worldwide 3, qui était sorti sur Insurgence il y a environ quelques années. Ouais, tiens, j'ai la date, c'est 2006. Oh boy, ça fait un petit bout de temps, hein? Ça fait 6 ans. Bon, alors on y va sans plus tarder en musique avec Anti-Flag et Broken Bone. Wow, wow, wow, wow, wow, wow! On va peut-être bien la placer à la bonne place, la pièce au moins. Bon, et je te dis, c'est pas drôle ça quand on parle en même temps et que nos musiques sont pas bien placées. Donc, Broken Bone, c'est la pièce 8 en plus. Ah, go! Broken Bone, broken glass, broken.

Alors, c'était Loïc Camé avec la pièce Good Night White Pride. Juste avant ça, on avait eu tout d'abord Anti-Flag avec Broken Bones, ainsi que Sham 69 avec If the Kids Are United. Maintenant, on enchaîne sans plus tarder avec l'entrevue que j'ai fait au Rock Café Le Stage samedi passé avec La Gâchette, All the Grudge, The Horny Beaches, Eastern Radical, Before It's Too Late, ainsi que Insight. Alors, allons-y, ça dure 21 minutes, et après ça, on a encore de la bonne musique. Tout ça uniquement à Sky Punka, la seule et unique émission à faire jouer du punk rock en Mauricie. Ok, alors, bonjour tout le monde! Je suis en compagnie de La Gâchette! Ouais! All the Grudge, The Horny Beach! Yeah! It's time for the call! Before it's too late! On est au Rock Café Le Stage! Remarque ici, personne n'a fait ouh pendant All the Grudge! Ok, premièrement, pouvez-vous me dire à tour de rôle depuis combien de temps votre groupe existe-t-il et combien de membres êtes-vous maintenant? On va y aller avec Eric de La Gâchette. La Gâchette, depuis 1998, puis on est trois membres. Eastside Radical! Où did we start? Ouais, en 2009, je pense, puis on est quatre membres. Quatre membres? Très bien. Before it's too late! Nous autres, c'est à partir de 2009, on est trois membres, puis un quatrième vient de se rajouter la semaine passée. Ouais, avec le retour de Insight aussi. Ouais, moi c'est Jim, puis... On se cante mon nom, là, mais je suis comme un deuxième guitariste. J'accompagne La Chouine avec Before It's Too Late. Puis juste pour vous dire en passant que Insight n'est pas mort, on est toujours vivant. Yeah. Yes! Yeah. On y aller avec The Horny Bitch. Horny Bitches, ça a commencé en 2007. On est trois membres. C'est tout. C'est bien. Hey, hold the Grudge. All the Grudge, on a commencé en 2004, donc ça fait 8 ans maintenant. On est passé de 6 à maintenant 4 personnes. OK. que pensez-vous de la santé de la scène punk rock? On y va avec La Gâchette tout de suite. La santé? Ouais, de la scène punk rock. Comment que la scène punk rock se porte? Ben, au Québec, ben, elle a déjà été en meilleure santé, mais j'ai l'impression qu'on a comme un genre de mini-boom qui revient dans les régions, puis c'est intéressant. C'est intéressant. Il n'y avait pas de l'air en santé. C'est intéressant de voir qu'on peut retourner dans des régions où il n'y avait vraiment plus beaucoup de monde, puis il n'y avait pas vraiment, plus vraiment beaucoup de place pour jouer, que là, on peut retourner, puis ben, quand même... du monde, tu sais. Comme quel genre de région? Trois-Rivières? Trois-Rivières, oui. Pourquoi pas? Trois-Rivières, mais comme Saint-Hyacinthe, ou tu sais, des régions où Grimby, Drummondville, Rouyn-Noranda, Jonquière, Chicoutimi. Même chose pour Old Grudge. On en parlait tantôt, justement. Sincèrement, c'est je suis mitigé là-dessus. Il y a comme deux. On n'a jamais eu autant de bandes, on dirait. Il y a vraiment... Il manque pas de bandes, ça, c'est clair. On est, ben, il peut en avoir encore plus, il n'y aura pas de problème. Sauf que la scène est vraiment active à ce niveau-là. Mais hostie, sont où les jeunes? Ça fait peur. C'est le temps que tu commences à fourrer. Pour The Horny Beach, que pensez-vous de l'état de la scène punk rock de ces temps-ci? Dans la même, vision que les autres, je trouve qu'il y a un regain aussi dans les dernières années. Des villes comme Granby, qui c'était vraiment mort depuis vraiment longtemps, ils recommencent à avoir des shows. Trois-Rivières, ça faisait des années qu'il n'y avait pas vraiment de shows. Il y a du monde qui book des shows à toutes les deux semaines au Rock, le stage, fait que c'est cool. Ça revit, faut pas lâcher. Yes, non, ça c'est sûr que non, faut pas lâcher. On dirait que c'est sur le respirateur artificiel, mais que ça reprend un peu, ça reprend du mieux. Yeah. And for la même chose. Radical, what do you think about the punk rock scene? C'est encore vivant, mais comme lui a dit, quand tu vas aux shows, il manque des jeunes, puis ils sont où? Mais à Montréal, c'est quand même. À Montréal, il y a beaucoup de shows qui arrivent toutes les soirées, alors c'est pas facile d'avoir beaucoup de gens dans. Show. Je comprends. C'est comme dans le temps, finalement. Ça n'a pas trop changé pour Montréal. Il y a toujours des choses qui arrivent à Montréal. Mais pour le reste... Hey, mes deux prochaines questions sont juste pour La Gâchette et Old the Grudge. Parce que ça fait un bout que je vous ai pas vu. Vous allez en avoir d'autres pour vous autres tantôt. Parce que bouge pas. Ok, hey, depuis la dernière entrevue qui date de méchant bout. Donc, depuis notre dernière entrevue qui remonte à pas mal d'années, pouvez-vous me dire comment ont évolué vos groupes pour la gâchette? Comment que ça a évolué? Ouais, la gâchette, comment ça a évolué? La dernière fois, c'était au Manhattan. Manchester, ouais. En même temps, vous aviez une chanteuse aussi avec vous autres. Oh, ben, on a encore une chanteuse avec nous qui vient. Oui. Et puis, mais ouais, là, il y a eu des changements de batteur. Ouais, mais ça, je pense que ça a changé pour le mieux parce que on est vraiment satisfait des deux derniers albums qu'on a sortis. Ils sont vraiment plus solides. Puis, le line-up qu'on a actuellement et le noyau est très, très solide. Puis, on a fait une couple de tournées depuis qu'on s'avait parlé. Donc, ouais, ben. Au niveau du son, est-ce que ça a changé? Hein? Je dirais que c'est peut-être un peu plus rock qu'avant. Avant, c'était plus axé sur la vitesse puis punk hardcore, mais là, on a commencé à grisonner aussi, là, faut le dire. Mais je pense que toute band qui prend de la maturité un jour ou l'autre, c'est sûr que le son évolue toujours. Mais ouais, on est content du résultat que. On doit en ce moment. Même chose pour Old The Grudge. Depuis l'entrevue qu'on avait faite, Mathieu, sur le bord des marches, quelque part, à un moment donné, dans le centre-ville de Trois-Rivières. D'ailleurs, je voudrais m'excuser pour cette entrevue-là. Mais la première chose que je dirais, c'est que. Au montage, c'était très bon quand même. On est capable. Pas à l'écoute, en tout cas. je dirais que de numéro un, en ce moment, il y a vraiment plein de monde qui me touche. Mais de un, on est capable de faire des entrevues sans être trop sous. Donc, ça, déjà dans l'histoire d'un band, c'est un gros upgrade. Mais sinon, on a beaucoup changé. Je pense que la dernière fois, on était encore un band de 6 personnes. Ouais. On a réduit ça à 4, un seul chanteur. On a lancé un nouvel album sur Insurgence. On enregistre la semaine prochaine, on commence à enregistrer un nouvel album. Okay. Déterminer le nom et comment qu'est-ce qu'on va faire exactement avec ça. Il y a des rumeurs de split avec des bands, il y a des trucs de même. Ça reste sur Insurgence? Il reste à parler. Insurgence, ça a beaucoup changé aussi comme label. Fait qu'il y a vraiment rien de confirmé avec personne. En ce moment, c'est de produire ce qu'on aime faire. En fait, avant, je jouais de la guitare, maintenant, j'étais à la bass. On a perdu Pierre-Luc, on a juste JP qui chante. Scott de Subsistance qui est rendu au drum. Donc, on est rendu 4 pièces. On a une van, on est prêt à rocker partout. Fait que on est au top. Puis, au contraire de la gâchette, je dirais, on a maturé, donc on est plus rapide qu'avant. Non, mais pour les mêmes raisons. C'est la vieillesse. Nous autres, on n'est pas rendu comme la gâchette au Paterman encore. Oh, OK, bien, puisque vous avez devancé ma question numéro 2, je vais la poser justement pour la gâchette. Pour la gâchette. Aimez-vous les Paterman? Vert, rose. Est-ce que la gâchette travaille sur un nouvel album? Pas en ce moment, parce qu'on vient juste d'en sortir un en avril dernier à travers. Sur quel label, celle-là? Notre label, Trigger Records. C'est notre truc. Canaux, c'est par nous-mêmes. On cherche un label, justement. Yeah. Oh, mais pour l'instant, je manque de sous. Ah, vous pouvez pas de fondant, c'est ça. je manque un peu de cash pour sortir d'autres. On peut t'en prêter, si tu veux. OK. Mais non, on n'est pas prêt à sortir. On n'a pas recommencé vraiment à composer d'autres tunes depuis que la sortie de l'album. D'ici une couple de mois, on va sûrement recommencer à composer, mais pour l'instant, on fait des shows et on vit au jour le jour. Très bien. Alors, on va y aller pour tous les groupes maintenant. Au niveau de vos paroles, quelles sont vos. En fait, au niveau de vos paroles, puis au niveau aussi de vos styles musicaux, quelles sont vos plus grandes influences? On va commencer par atteindre The Horny Bitch, qui tantôt semblait frustré de ne pas avoir de questions. Alors, Virginie, vas-y donc. T'as le droit à 5 minutes. Ouais. Nice. T'as pas le droit de parler de sexe. Pouvez-vous répéter la question? les paroles? Ouais, les paroles. Ça parle pas de grand-chose à part de sexe, évidemment. Et les influences? Nos expériences personnelles. Non, c'est pas vrai. Influence musicale. Influence musicale, c'est super varié. La drameuse, elle écoute vraiment plein de choses. Moi, j'écoute gros des bandes de filles. J'aime bien The Donuts, Joanne Jett. J'écoute Hole. J'écoute plein de choses. Okay. J'écoute beaucoup des groupes locaux aussi. All the Grudge, and All. J'écoute All the Grudge dans mon char. Très bien. Non, Before It's Too Late, on est parti très. Ah, hey, là, oui. Les paroles, c'est surtout expérience de vie, ce qui se passe dans nos vies, des trucs dans le genre. Puis les influences, je pense que ça va de Insight aux Ramones, aux Misfits, ce qu'on écoutait quand on était kids. C'est très varié, finalement. Oui. La gâchette. Bah, pour les influences, c'est quand même assez varié. Ce serait peut-être compliqué de commencer à aborder le sujet des influences. Justin Bieber. Mais pour ce qui est des textes, c'est des expériences de vie puis des opinions à propos de qu'est-ce qui se passe en général dans le monde. Curieux. Mais côté musical? Côté musical? Regarde, j'écoute tellement de bandes que je pourrais pas dire, je sais pas. Mais, tu sais, j'écoute un paquet de bandes, je veux dire, des grosses influences. Qu'est-ce que t'as le plus influencé quand t'étais un kid, là, qui s'est dit, moi, plus tard, là, je vais devoir faire de la musique avec ça? Seul contrôle. Ah, je sais pas, man. Gâche. The Clash. The Clash, je pense que c'est. Ça serait une de mes. Meilleure influence. No Strummer! Je dirais la même chose. Pas le droit de dire la même chose pour Old The Grudge. OK, la même chose! côté parole, c'est assez varié. On essaye de parler d'un peu de tout. Sincèrement, avant, je me suis toujours un peu arrêté ces paroles, essayer d'être bien positif, plus que n'importe quoi. Dan il est négatif dans la vie, fait qu'il est pas tout le temps d'accord. Mais maintenant, sincèrement, les 10 dernières tonnes vraiment qu'on a écrites sont plus peut-être plus violentes, plus politisées. J'avais tout le temps peur que ça passe pas avec JP. C'est surtout moi qui les écris, mais c'est pas moi qui les chante. Fait que c'est quand même assez plus touché. Puis comment que JP prend ça? Il a pas vraiment le choix. Il aime bien ça, il est d'accord avec moi, mais des fois, tu sais. Des fois, j'essaye, je passe des messages plus radicaux, puis ça passe tout le temps. Ouais, tant que ça passe, j'aime bien ça. Nouvelles tunes. Je peux dire que sérieusement, les nouvelles tunes avec les nouvelles paroles sont vraiment plus straightforward. Ça représente ce qu'on pense depuis longtemps, mais qu'on n'avait pas le guts à dire, mais on vieillit, puis nos idéaux, ils se radicalisent vraiment beaucoup, puis cette tune-là, vocalement parlant avec les paroles, puis musicalement, il est vraiment beaucoup plus mature. On a comme... Mature, c'est un warrior des paroles. Il aime pas ses paroles jamais, on les lit, on fait comme « What the fuck, man? Oh, il manque des phrases! Ouais, » mais aussi, je veux juste pas prendre tout le crédit, JP en écrit aussi. Il garde les tonnes positives aussi. Note, des fois, plus personnelles, justement, des tonnes que je pourrais pas écrire pour lui. C'est Nanny Seven, qui parle de son frère, par exemple, ça fait longtemps qu'il voulait la faire. Donc, c'est pas mal ça. Puis, musicalement... On s'est tout le temps dit, Old The Grudge, on ressemble à tout qu'on mettrait dans le blender. Ouais, comme dans tout, le temps. Mais à rien. Puis, fait que c'est tout le temps. Tu sais, chaque tune qu'on compose, on dit tout le temps que ça ressemble pas à Old The Grudge, puis on finit tout le temps à la trouver, la twister qu'elle fait avec nous autres. Hey, est-ce que vous avez une tournée qui s'en vient bientôt pour vous autres, genre à l'étranger? Hein? On a une van. Comme Mathieu disait, on travaille sur un split avec un autre band. En fait, je pense qu'on a le droit de dire, c'est on fait un split, ça pousse avec Jonas Apatride. Puis, on aimerait ça profiter d'eux, puis faire des shows avec eux. Fait que l'idée est pas écartée. On s'est acheté une van, on commence à être beaucoup plus sérieux. Non pas qu'on n'a jamais été sérieux, mais là, comme on met toutes les pièces ensemble pour pouvoir faire le plus de shows possible. À l'extérieur, on a toujours voulu le faire, mais tu sais, on veut le faire de la bonne façon. Fait que. On peut pas y aller pour rien, puis... On essaye de pas perdre $1 million. On essaye de... Build something great! Oh! Mettons que je l'aurais pas dit aussi mieux que ça. Et pour un retour possible de Insight, est-ce que Insight prépare quelque chose? Ouais, on est en studio en ce moment. Oh! Très bon. Avez-vous quelque chose qui arrive avec un split? Les splits, le dernier split qu'on a fait était en 99, je crois, avec... je me rappelle même plus c'est quoi le band. Mais c'était bon en tabarnak. Notre part, là. Deux amendes. Mais non, ouais, on s'en vient avec peut-être un retour. On fait un bon petit show. C'est sûr, ça va être à Trois-Rivières avec... on va essayer de remonter ça, cette petite scène à Trois-Rivières qui est un peu dépérie par le monde qui a un peu les cheveux dans la face. Là, genre, je parle pas des poils, mais je parle plus des mots. Là, on aime plus ou moins ça. Puis cette scène-là, on aimerait ça peut-être un peu la kicker out puis que le monde commence à aimer. Le bon vieux punk rock comme du vrai beat avec des vraies paroles, puis quelque chose qui vient du cœur et non pour être des astis fucking sell-out. T'aimes pas ça, Alexis on Fire? Au niveau de la langue, pourquoi que dans tous les groupes sites, le seul qui chante en français, bizarrement, c'est la gâchette? Rick. Oui. OK. Rick, pourquoi la gâchette chante en français, puis les autres, pourquoi vous chantez tout en anglais? Moi, j'ai plus de facilité à m'exprimer en français qu'en anglais. Puis si je chanterais en anglais, ben probablement que j'aurais un gros accent dégueulasse. Fait que je préfère chanter en français. Très bien. Eastern Radical, je crois que... Because we're English. On sait pas comment parler français très bien. OK, on y va avec Before It's Too Late. Moi, je sais pourquoi on chante en anglais, parce que... Anglais, français, dans notre temps, quand on a grandi, ça n'existait pas les bands en français, ça n'existait pas le punk français, ou presque. Vous avez commencé à vendre la Rivière. Oui, on est vieux. Ouais, ça, on fait de la scène de Trois-Rivières. Okay. On est en Erkéos quand même, en même temps. Moi, j'ai jamais été en Europe et écouté Brûlerie Noire. J'avais pas le cash pour ça, puis j'avais pas l'âge non plus pour voyager. Mais si on parle en anglais, puis on speak en anglais, puis on s'exprime en anglais, c'est juste parce que c'est plus facile pour nous autres, puis on s'identifie à toutes les bandes qu'on a grandi avec. T'as pas eu le choix, Chris, tu t'identifies avec qu'est-ce que t'as grandi. OK, ouais, et qu'est-ce que tu fais pour les Rectum et pour Anarchéos qui chantait en français à Trois-Rivières? Ben, premièrement, Anarchéos chantait pas juste en français, puis Rectum... Ouais, pour leur cover, ouais. Oui, les Rectum, le pâté chinois à Mme Paquin, c'était très, très bon dans le temps, mais mettons qu'à ce temps, on a des choses... d'autres choses à dire que le pâté chinois à Mme Paquin. Les extraterrestres. Esti est pas mal. C'est bonjour, va. C'est réveillez-vous. The only bitch, pourquoi en français et non en anglais? Est-ce que ça serait trop vulgaire en français? Peut-être que pour nous, ça serait moins vulgaire, mais les Anglais voient ça de la même façon que toi, tu le verrais si on chante en français. Okay. Mais pour nous, probablement que c'était moins gênant de dire... En anglais. Comme... coq, pénis, vagin, whatever. Ça sonne mieux. Ça se plug mieux dans une tune. Mais on a fait une version, on a traduit une de nos tunes en français pour la première tournée en Europe. Puis comme c'était bien drôle. Suck and Swallow, on a fait ça, c'est Aval. C'était toute beauté, très glorieux, mais c'est. Je sais pas. Ça parle de quoi, Suck and Swallow? Ça passe. Ça a l'air que ça parle de politique. Ouais. Et pour Old the Grudge, Mathieu, pourquoi tu fais ça en français, tes paroles? Mais en anglais. En anglais, c'est pas juste toi qui. Ouais, cut, ok, je recommence. Alors, pour Old the Grudge, Mathieu, pourquoi la majorité des paroles de Old the Grudge, si c'est pas la totalité, sont en anglais? Surtout et sûrement parce que. C'est... Ben en fait, je m'appelle pas Mathieu, je m'appelle Dan. Je vais juste préciser que c'était ma voix, mon email, c'est... Non, ben, parce qu'en fait, l'anglais, il y a assez de barrières comme ça partout. La langue universelle dans le monde entier, c'est l'anglais. C'est quelque chose qui peut rejoindre tout le monde. Je pense que sur la Terre, le nombre de monde qui parle pas anglais est vraiment limité. Donc, si tu veux te faire comprendre par le plus de monde possible, si tu vas chanter en anglais. Aussi le fait que on est vraiment maladroit à écrire une chanson en français. C'est pas qu'on veut pas, ça n'a jamais à donner. On a essayé quelques-unes, puis ça sort juste pas naturel pour nous. On va le faire, c'est sûr. C'est sûr que ça va arriver. Il y en a une à un moment donné qui va marcher, mais pour l'instant. JP, il y a un accent. Ouais, ça a l'air qu'il y a un accent mexicain en plus. Surtout quand il se fait pousser le pinch. Ouais. Mexicain. Mais ça, on parlait peut-être parler mexicain dans notre prochain album. Ouais, ouais. Ça, c'est mexicain ou portugais. Ah ouais. Loco, la prochaine, je pense. Loco, loco. Loco, loco. En fait, c'est vraiment pour ça. C'est pas une... Mais c'est plus facile aussi, sincèrement. En français, je serais ben trop critique avec moi-même. Je voudrais être meilleur que Victor Hugo, puis je suis pas capable. Tandis qu'en anglais, je suis pas capable. T'sais, c'est plus facile, je suis moins critique, puis je comprends moins ce que je fais. Okay. Finalement, si vous auriez tous un album à porter sur une île déserte, ça serait lequel? On y va avec Eric de la Gâchette. Un album. Un album? Ouais, sur une île déserte, là. À toute ta collection, un album. On m'a apporté le mien. East Side Radical. C'est dur, mais je pense Rancid and Knock on the Walls. Ou Do or Die, par Dropkick Murphys. Oh, très bon. Before It's Too Late. Moi, vu le classique d'Insight. Lequel? Il ne boit pas. On a fait des démos. London Calling, des Clash. Très bon, classique. Hold the Grudge. Moi, ça fait pas vraiment avec ce qu'on joue, mais... Justin Bieber? Non, Jay-Z. Oh! Non, un album de Social Distortion, puis sérieusement, à cause du download, je peux même pas te dire c'est quoi. White Trash. Ouais, celle-là. Je sais pas, c'est tellement simple, c'est tellement facile, les paroles sont simples, ça s'écoute bien. Il faut juste demander le nom de l'album. Ouais, ça. Ça. Je voudrais te dire, je viendrais à dire, va chier, Mathieu. Je te déteste, meurs. Et pour Inside? Randy, there's no way we're gonna fit in. Ah, il connaît le titre d'album. Très bien. Donc, sur ça, bonjour tout le monde. Et à la prochaine. Merci. Bye. Alors, c'était l'entrevue fait en compagnie de La Gâchette, All the Grudge, The Horny Bitches, Eastern Radical, Before It's Too Late et Inside. Comme vous avez vu, c'était vraiment une bonne entrevue punk rock, hein, avec tout ce qui va avec, l'ambiance, et les fous rires et tout ce qu'il faut. Bon, là, il est rendu l'heure de se quitter. Aujourd'hui, on se quitte avec All the Grudge et une de leurs bonnes vieilles pièces, la chanson Reclaim the Street. Extrait de leur second album, qui était un album éponyme. Et puis, après ça, eh bien, nous aurons La Gâchette avec la version live acoustique de Rien n'a changé et que vous pouvez retrouver sur leur tout nouvel album À travers le temps. Alors, c'est ça. Alors, à la semaine prochaine. Et d'ici là, continuez d'écouter de la bonne musique de la belle. Et vive le rock libre. Bye bye. À la semaine prochaine. Fight! je l'ai trouvé sur mon chemin. C'est bizarre, je suis dans les rues et dans les bars, je ne vois que dalle. Que les connards prêtent à se battre qui mériterait que je foutre une masse. Y'a des soirées comme ça où l'on voit que du noir, où personne nous ouvre les portes, que des flics qui nous passent les menottes. Y'a trop d'imbéciles qui traînent le samedi soir, il faudrait faire le ménage. Y'a trop d'injustices qui passent et qu'on ne va pas. On fait rien, on baisse les bras. Rien n'a changé. On travaille, on a faim, on donne des coups à ceux qui pensent avant nous.